Unité 2. Activité 5. Pour toi, Mona, comment sont les Français ? Pour moi, les Français aiment le pain, le vin et le fromage. Pour toi aussi, Kalidou ? Ah non, pour moi, ils adorent les croissants, le beurre et la confiture. Comment sont les Français pour toi, Olivia ? Pour moi, les Français adorent discuter. Et vous, Théo et Léa ? Oui, nous sommes d'accord. Mais ils n'aiment pas les langues étrangères. Et pour toi, Rania, les Français, c'est... C'est... Napoléon ?